Un homme qui souffre, c'est anormal, voire indécent. Alors qu'un animal, il fait pitié, on le descend. Un homme qui souffre, ça fait peur, on le marginalise. Qu'elle soit physique ou morale, sa douleur, on la banalise. Un homme qui souffre est rejeté et malheureux. Pour le reste de la société, il est forcément contagieux. Un homme qui souffre ne peut compter que sur lui-même. Rares sont ses congénères qui le soutiennent. Un homme qui souffre n'a plus d'ambition, plus goût à grand-chose. Fragile équilibre entre compromission et overdose. Un homme qui souffre est désarmé, vulnérable, ne sait plus à quel sein se vouer, indésirable. Je vous le dis, mes semblables, ceux qui souffrent n'incarnent pas le diable. Comprendrez-vous, mes amis, que ceux qui ont mal ne sont pas vos ennemis? Alors donnez-leur la chance de pouvoir choisir. Libre à eux de continuer la danse ou bien de partir. Un homme qui souffre doit le faire en silence, ne pas troubler l'ordre, moral en absence. Un homme qui souffre ne peut se plaindre, souvent doit se mordre pour ne pas geindre. Un homme qui souffre doit rester digne, avoir la foi. Il faut qu'il se résigne, putain de loi. Un homme qui souffre, même s'il décroît, n'a pour seule consigne que de rester droit. Un homme qui souffre, ça n'interpelle plus personne. Accident, tumeur maligne, s'il appelle, on le bâillonne. Un homme qui souffre réclame les siens quand il le peut. Parfois on vient, lui prend la main, mais c'est bien peu. Je vous le dis, mes semblables, ceux qui souffrent rêvent parfois d'euthanasie. Craindrez-vous, mes amis, d'être qualifiés de tad-nazi? Alors donnez-leur la chance en toute légalité de finir dans la décence et réviser votre moralité. Un homme qui souffre aujourd'hui n'a aucun choix. Alors, que tu sois prêtre, toubib ou politique, cesse de te retrancher derrière ce soi-disant problème d'éthique. Cet homme qui souffre demain sera peut-être toi. Fais ton possible pour légaliser cette pratique. Ouvre les yeux et agis pour une fois. Un homme qui souffre soudain n'est même plus combatif. Arrêtez de vous cacher derrière ce serment d'Hippocrate. Vous tous, pauvres médecins en soins palliatifs, ne laissez pas vos infirmières effectuer cette tâche ingrate. Ayez les coudées franches, passez vous-même à l'acte. Et s'il vous implore d'abréger sa souffrance, ne soyez plus dubitatif. Je vous le dis, mes semblables, Ceux qui souffrent rêvent parfois d'euthanasie. Même si certains vous accablent, vous ne passerez pas pour des tas de nazis. Alors donnez-leur ce qu'ils réclament, juste une dose pour la faim. Qui pour une fois, je le proclame, justifie que l'on s'en donne les moyens.